J'ai envie de faire un truc. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez. Je suis pas parti au bon moment. Yes, I'll be mine. We're gonna fail tonight. On the way, worse to me. Well, on a night, we're left alone. Pas le son du. Ouais, j'arrête deux minutes, il faut que je fasse des réglages. Et je vais vous faire chier. Il y a des trucs que j'arrive pas à régler. Je suis en train. Je vais le faire. Je vous laisse jouer pendant un petit moment. Parce que... Putain, j'ai pas tous les paramètres.